Bonjour et bienvenue à cet exercice de relaxation guidée. Installez-vous dans un endroit calme. Si nécessaire, prévenez pour ne pas être dérangé pour les prochaines minutes. Asseyez-vous confortablement, avec les pieds posés à plat sur le sol, le dos droit et les mains posées sur vos cuisses. Imaginez qu'un fil au-dessus de votre tête vous tire vers le haut et allonge votre colonne vertébrale d'une manière confortable. Relâchez vos épaules. Portez votre attention sur votre mâchoire. Desserrez vos dents et laissez votre mâchoire inférieure retomber confortablement. Laissez-la pendre délicatement. Portez votre attention sur votre visage qui se détend. En fermant vos yeux, laissez vos yeux retomber dans leur orbite. Imaginez que toute votre tête s'alourdit et se détend. À présent, portez votre attention sur vos pieds. Observez le contact de vos pieds avec le sol. Bougez doucement vos pieds, vos doigts de pied, pour ressentir le contact avec le sol. Imaginez que vos pieds s'enfoncent dans le sol et que le sol porte vos pieds. Laissez vos jambes se détendre, s'alourdir et s'enfoncer dans le sol. Puis c'est votre bassin qui s'enfonce dans la chaise. Observez les sensations du contact entre votre bassin, vos jambes et la chaise. Dirigez à présent votre attention sur votre abdomen, qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Si vous le souhaitez, posez une main sur votre abdomen. Prenez un instant pour observer ces mouvements rythmiques dans votre respiration. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. Et à l'expiration, votre ventre se dégonfle. Continuez d'inspirer lentement par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Continuez d'inspirer en comptant mentalement jusqu'à 4. Puis expirez en comptant jusqu'à 6. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à votre rythme pendant quelques instants. À présent, revenez à votre souffle naturel et observez les effets de cet exercice sur votre corps. Pour arriver gentiment à la fin de cette session de relaxation guidée, je vous invite à reporter votre attention sur vos pieds. Observez le contact de vos pieds sur le sol. Imaginez que vos pieds s'enfoncent dans le sol et que le sol porte vos pieds. Bougez doucement vos pieds, vos doigts de pied, pour ressentir le contact avec le sol. Portez votre attention sur vos jambes et bougez-les doucement. Puis sur votre bassin et sentez le contact avec la chaise. Remontez votre attention vers votre tronc et bougez-le. Puis vos épaules, roulez-les doucement en arrière. Prenez un moment pour bouger doucement vos bras et vos mains. Ressentez la mobilité dans vos doigts. Finalement, portez votre attention sur votre tête et bougez-la délicatement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer selon votre besoin. À votre rythme, ouvrez vos yeux si vous les aviez fermés. Et laissez votre regard se poser sur l'environnement qui vous entoure. Accordez-vous quelques instants pour vous réajuster en douceur à votre environnement. Merci de nous avoir fait confiance pour vous guider dans cet exercice de relaxation guidée. Nous espérons que vous vous sentez mieux à présent.